Bonsoir à tous et bienvenue à ce journal dont voici d'abord les principales articulations. Le parti CNDD-FDD au pouvoir s'apprête à transférer son siège national de Bujumbura vers Gitega, une fois cette ville du centre du pays devenue capitale politique du Burundi. Le secrétaire général du parti dit que c'est un parti politique, c'est normal de rejoindre la capitale politique. Le conseil communal de Mutimbuzi a décidé la destitution de l'administrateur communal. Il accuse notamment de mauvaise gestion de la commune. Nous sommes le 25 décembre. Les chrétiens du Burundi se sont joints au monde pour célébrer la fête de la nativité. On parlera de la célébration à Kirundo, Gitega et Ngozi. Et puis le reportage du jour. Nous irons en commune Mugina de la province de Cibitoke. Des filles et femmes ayant échoué la 9e année fondamentale se sont mobilisées pour leur autodéveloppement. L'administration communale s'en réjouit. Encore une fois, bonsoir et bienvenue à cette édition. Vous n'avez pas Isanganiro ? Vous ratez l'essentiel. Politique pour débuter ce journal. Le parti CNDD-FDD s'apprête à transférer son siège national au chef-lieu de la province de Gitega, une fois devenu capitale politique. Il le dit après que le conseil des ministres ait adopté vendredi un projet de loi portant fixation de la capitale politique à Gitega. Bujumbura restera la capitale économique. Évariste Ndayishimiye, le secrétaire général du CNDD-FDD, explique que son parti est politique. C'est normal qu'il rejoigne le lieu où se joue la politique du pays. Il l'a dit ce lundi lors d'une conférence de presse. De plus, selon lui, c'est une façon d'approcher l'administration aux citoyens, Gitega étant au centre du pays. Suivez-le. Si nous sommes en parti politique, nous allons jouer étant au cœur même du noyau de planification politique du pays. Donc, pour vous dire qu'il ne sera pas étonnant si le parti CNDD-FDD, son état-major, bouge vers Gitega. N'ayez pas de soucis, parce que les gens qui habitent à Bujumbura étaient habitués à venir à la permanence nationale. La permanence nationale sera à Gitega, c'est normal. Pourquoi les gens de Gitega viennent à Bujumbura? Les gens de Changuzo viennent à Bujumbura? Pourquoi les gens de Bujumbura ne vont pas monter à Gitega? C'est normal, parce que pour le pays, il n'y a pas allié éloigné. Plutôt, je salue cette mesure parce que ça va faciliter les bonnes relations entre l'administration centrale et l'administration locale, parce que ça sera juste au centre. Et aussi dans la politique du CNDD-FDD, on doit rapprocher l'administration aux citoyens. Donc, si le gouvernement se trouve à Gitega, ça répond correctement aux soucis du CNDD-FDD. Mais aussi, il faut noter quelque chose. C'est comme si c'est quelque chose qui se passe de nouveau. Mais Gitega était capitale du Burundi depuis longtemps. On ne sait même pas comment Gitega a été changé comme capitale. Montrez-moi un seul document qui dit que Gitega n'est plus capitale que capitale de Bujumbura. Parce que Bujumbura était capitale du Rwanda-Urundi, tandis que Gitega était la capitale du Burundi et Kigali la capitale du Rwanda. On ne sait pas par quelle voie la capitale de Gitega a changé. Donc rien d'étonnant, ce n'est pas nouveau. En fait, c'est remettre les choses à la normale. Le conseil communal de Mutimbuzi a pris la décision de destituer l'administrateur communal Damien Barindambi. Ce conseil accuse cette autorité administrative d'une mauvaise gestion de la commune, entre autres la non-cotisation de son personnel à l'INSS et à la mutuelle de la fonction publique. Jean-Baptiste Nyonzima, président du conseil communal de Mutimbuzi, ajoute que parmi les accusations figure l'attribution illégale des marchés dans cette commune qui engendre l'endettement de cette dernière auprès des fournisseurs. Suivez. C'était en date du 20-12-2018 où le conseil communal en sa session ordinaire a tenu une réunion avec 16 participants. Nous avons réalisé amèrement que les finances communales se trouvent en situation critique. Ceci suite à plusieurs mobiles, c'est qu'il y a eu attribution de marchés qui ne respectaient pas la loi, où on constate qu'il y a certains fournisseurs, certains qui auraient amener des fournitures de construction, qui réclament des montants s'élevant à plus de 20 millions, et d'autres 6, d'autres 3, et cela sans qu'il y ait des contrats ou des lettres de créance. Deuxièmement, nous avons constaté que il y aurait une dette que la commune a envers Balinami Damier, qui est que l'administrateur, pour son véhicule et qu'on dit qu'il est loué, alors que le conseil communal n'en soit au courant. Et troisièmement, la commune en fait ne cotise pas pour son personnel, que ce soit l'INSS ou la mutuelle de la fonction publique, et cela il y a 2 ans. Nous avons constaté que la commune Mutimbuzi, le bureau communal, surtout le marché, n'a pas été attribué de façon claire et en bonne et due forme, parce que le marché en question a été attribué à quelqu'un de sa famille qui n'en avait pas de compétences ni d'expérience. Après avoir égrené tous ces points et nous basant sur la loi communale, surtout en ses articles 30, 32, 34 et 108, nous avons procédé à la destitution du dit administrateur Balindami Damier. Et pour le moment, nous attendons que la période prévue par la loi soit respectée pour qu'on puisse se rencontrer encore une fois. Donc nous attendons cette période de 30 jours que la loi préconise pour qu'on puisse élire notre nouveau administrateur. Isanganiro, la radio de l'avenir. Célébration de la fête de la nativité le 25 décembre. Une vingtaine de personnes sont sous les verrous en Ngozi, accusées de violation des heures de couvre-feu. Le commissaire communal de police indique qu'elles seront frappées d'une amende administrative avant d'être relaxées. Mais de façon générale, dit-il, la sécurité a été bonne durant le réveillon de Noël. Le point avec Apollinaire Muzagara. Selon le commissaire communal de la police en Ngozi, plus de 20 personnes ont été arrêtées durant les 2 dernières nuits dans différents bistrots du chef-lieu de cette commune. Elles sont accusées d'avoir dépassé 22 heures, heure de fermeture de tous les cabarets qui n'ont pas d'hébergement. Une mesure qui favorise certains tenants des bistrots et désavantage les autres, selon certains, donc qui ne fait pas l'unanimité. Le commissaire Alfred Nakarutima Anna indique que ces personnes arrêtées seront bientôt relâchées après avoir payé une amende administrative à propos des détonations entendues au cours de cette nuit qui ont créé de la panique chez certains. La police parle de feux d'artifice tirés au palais présidentiel d'Obouye en commune Mouba de la province Ngozi. En vue de célébrer la naissance de Jésus-Christ, la police tranquillise la population de Ngozi que la sécurité a été renforcée en ces jours des fêtes de fin d'année. De Ngozi, Apone Muzagara, Radio Isanganiro. Le centre Amahoro de Kirundo a organisé une fête de Noël à l'intention de 300 enfants ce lundi 24 décembre à Kirundo. Il avait l'objectif est d'encourager les enfants de la rue à regagner leurs familles respectives à travers le partage d'un repas entre les enfants vulnérables et ceux issus des familles aisées. En province de Gitega, au centre, la célébration de la fête de Noël a été marquée aujourd'hui par un taux élevé de participation des chrétiens dans la prière. Certains magasins, boutiques et stands du marché central sont même restés fermés. Les parents ayant des enfants qui devaient être baptisés ont eu de la peine à leur acheter de nouveaux vêtements. Mais ce n'est pas tout le monde qui a la capacité d'acheter ce dont il a besoin pour célébrer. Gérard Nibigila. Les églises tant catholiques que protestantes étaient pleines à claquer et certains des chrétiens ont dit qu'il ne faut pas surtout rater la messe de Noël. Toujours dans le cadre de la célébration de la fête de Noël, certains des commerçants du marché central de Gitega ont préféré fermer leurs stands et certains propriétaires des magasins et boutiques les ont aussi fermés. Ils sont soit allés à la messe, soit allés dans leurs provinces d'origine, comme l'indiquent les autres commerçants. À côté de cela, il y a des résidents de Gitega qui se sont rendus dans leur province natale pour fêter Noël dans leur famille élargie et dans les églises où les enfants ont été baptisés, comme la cathédrale Christ et Roi de Mouchacha. Certains parents des enfants baptisés ont laissé entendre qu'ils ont eu de la peine à acheter des vêtements neufs pour leurs enfants. Dans le même ordre d'idées, certains parents regrettent le manque de moyens pour acheter des vêtements neufs pour leurs enfants. Au moment où les enfants sont très contents de porter des habits neufs le jour de Noël que d'autres jours. Cela étant, il y a des habitants de Gitega qui affirment avoir tout fait pour trouver de quoi manger et boire ce jour de Noël, mais d'autres avouent ne rien avoir. Et devant des restaurants, il a été observé des mendiants. Depuis Gitega, Jean-Yves Guilla pour la radio Isanganiro. À la source, reportage. Avoir une activité génératrice de revenus permet aux filles et femmes de répondre à leurs besoins. L'appréciation émane des jeunes filles et femmes qui ont un atelier de couture dans la zone Eluona de la commune Mugina en province de Cibitoke après qu'elles aient échoué au concours de la 9e année fondamentale. L'administration communale félicite ces femmes qui se sont mobilisées pour leur autodéveloppement, même si le chemin restait long. Reportage signé Charles Makote. Nous sommes sur la colline Nyamihana, dans un atelier de couture où travaillent des demoiselles et une dame. Claudette Mukeshimana, jeune femme de 20 ans, n'a pas pu réussir au concours qui donne accès au poste fondamental. Après 9 mois qu'elle exerce le métier de couturière, elle fait savoir que ça lui a permis de répondre à ses besoins. J'obtiens tout ce dont j'ai besoin grâce à mon métier. Lors de l'apprentissage, j'ai travaillé sans percevoir de salaire. C'est à cette période que j'ai acheté la machine. En faisant des économies, à la fin de la formation, j'ai pu avoir la machine. Elle poursuit en disant que son revenu lui permet de réaliser ses projets et faire face aux défis éventuels. Il arrive que je gagne 50 000 francs par mois. Ça me permet de monter mes projets comme l'achat de chèvres. Et tout simplement, je participe dans le fonctionnement de mon foyer. La couture, ça me permet de résoudre les problèmes qui peuvent survenir. Gorette Nizonghiza vient de passer 3 mois à côté de Claudette. Elle s'est déjà offert une machine à coudre et son rêve pour l'avenir proche est de ne plus dépendre des autres. J'aimerais pouvoir acheter tout ce dont on a besoin à la maison, que ce soit une chèvre ou une vache, tout sans que je puisse gaspiller de l'argent. Savoir que j'ai acheté quelque chose sur quoi je peux compter en cas de problème ou en cas de maladie. Micheline Nirema, une fillette de 18 ans, apprend le métier de couturier dans cet atelier. Elle fait savoir qu'elle a arrêté ses études en 7e année suite à une maladie oculaire. Toutefois, elle indique faire une évolution notable dans ce qui va devenir son métier quotidien. À l'école, lors de l'apprentissage, j'avais un sérieux problème oculaire. Je suis rentrée à la maison. C'est à ce moment que j'ai rencontré mon amie qui est en train de m'apprendre le métier. On me donne un tissu, je prends les mesures, effectue la coupure. Elle me donne des indications et me font savoir que je réussis, ce qui me rend fière de moi, du fait que je vais pouvoir réussir. Pierre Habonimana, voisin de ces femmes, indique que cet atelier leur a permis de raccourcir la distance qu'ils empruntaient jusqu'au chef-lieu de la commune de Mabaï à la quête de l'atelier de couture. Il a permis d'autres jeunes gens de se servir de son modèle. C'est une bonne chose que ça serve de leçon pour qu'en cas d'interruption des études, ils puissent avoir un métier rentable pour subvenir à leurs besoins dans l'avenir et pouvoir supporter leur famille. Du côté de l'administration communale, on se félicite de cette initiative féminine. Madame Jovite, administratrice de la commune Mugina, part d'une prise de conscience et de regroupement au sein des associations et coopératives. Et nous aussi, nous félicitons beaucoup ces jeunes filles qui se sont organisées pour faire un atelier de couture parce que c'est un modèle que les autres vont profiter pour aussi penser à d'autres métiers qui seront bénéfiques pour elles. L'administrateur de la commune Mugina, Madame Jovita, appelle les femmes à plus de témérité et de vrai pour leur développement afin de ne pas toujours dépendre de leur mari. Et voilà, c'est par ce reportage que nous mettons un point final à cette édition. Merci de l'avoir suivi. Merci également à Eli Kadogo pour la collaboration technique. Excellente soirée à tous. Au revoir. Isanganiro.